maison. Ton cœur m'a dit merci, c'est non. Au milieu des flammes, j'ai encore perdu la raison. On me reconnaît dehors, on me reconnaît plus à la maison. Pourquoi mon cœur est vide quand le tien n'a plus de lésions? Faut 1 million pour changer d'air. Faut 8-0, je vais dormir face à la mer comme Calogero. Faut 1 million pour changer d'air. Faut 8-0, je vais dormir face à la mer comme Calogero. Faut 1 million pour changer d'air, faut voyager pour changer d'heure. Un fer pour quand j'ai peur, un frère solide qui éponge mes pleurs. Y'a des flammes dans les yeux du diable et des vagues d'amour dans le bleu des tiens. Mais un jour tu m'as déserté, y'avait plus que du noir dans le fond des miens. Quel après-midi je m'entraînais à dribbler, le soir je m'entraînais à rimer. J'ai vu des frères s'éteindre dans la fumée car les problèmes sont trop vite arrivés. C'est jeune qu'on s'est mis à trimer et la lumière faut la réanimer. Ce soir je m'éteins dans la fumée car les problèmes sont trop vite arrivés. Compte en bande plein, j'fais le tour de la ville. Je me sens bien, mais pour combien de temps? Une saison, 4 saisons, ça va vite. Tu seras là, mais je voulais t'aimer toute la saison. Ton cœur m'a dit merci, c'est non. Au milieu des flammes, j'ai encore perdu la raison. On me reconnaît dehors, on me reconnaît plus à la maison. Pourquoi mon cœur est vide quand le tien n'a plus de lésions? Faut 1 million pour changer d'air. Faut 8-0, je vais dormir face à la mer comme Calogero. Faut 1 million pour changer d'air. Faut 8-0, je vais dormir face à la mer comme Calogero. 5-4 saisons que je suis sur terre et je fais toujours les mêmes erreurs. Anniversaire en hiver, je me sens bloqué dans l'ascenseur. Quand tu me dis je t'aime, moi j'entends toujours ça va pas. Y'a mon cœur qui freine sans que je sache vraiment pourquoi. J'essaye de mener une vie saine et pourtant je me sens hyper sale. Amour sous les pixels, insaisissable comme une vixen. Regarde-moi dans les yeux, tu verras qu'il fait pas si noir. Regarde-moi dans les deux pour réinventer des histoires ensemble. Quand en banque plein, je fais le tour de la ville. Je me sens bien, mais pour combien de temps? 1 saison, 4 saisons, ça va vite. Tu seras là, mais je voulais t'aimer toute la saison. Ton cœur m'a dit merci, c'est non. Au milieu des flammes, j'ai encore perdu la raison. On me reconnaît dehors, on me reconnaît plus à la maison. Pourquoi mon cœur est vide quand le tien n'a plus de lésions? Faut 1 million pour changer d'air. Faut 8-0, je vais dormir face à la mer.